France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'occupation de Tombouctou par les djihadistes avec notre invité Célian Massé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle aux auditeurs, vous êtes journaliste à Libération, notre journal partenaire. Vous avez publié de nombreux articles sur la situation au Mali, notamment en juillet dernier sur le quotidien d'un convoi français et malien de l'opération Barkhane. C'est l'opération qui a pris la suite de l'opération Serval. Avant de faire le point sur la situation d'aujourd'hui, revenons, si vous le voulez bien, au début de notre histoire. L'un des événements clé du conflit au Mali, c'est la guerre en Libye. Nous l'avons évoqué sans plus de détails. Et je voudrais vous demander justement comment la guerre civile libyenne et l'intervention internationale contre les forces de Kadhafi ont-elles désorganisé le nord du Mali ? Quel est le lien entre ces deux événements ? Alors, il y a toujours eu des Touaregs qui ont combattu pour Kadhafi depuis 20 ans, 30 ans. C'est ce qu'on appelait la Légion verte de Kadhafi. Il avait su fédérer les Touaregs mécontents et il avait su capitaliser sur une région très défavorisée pour attirer les Touaregs qui combattaient dans la Légion verte. Après l'effondrement très rapide en fait de l'État libyen et la chute de Kadhafi, des colonnes de pick-up avec des armes, des bonnes armes, les armes de l'armée libyenne, sont rentrées vers le nord du Mali avec à leur tête les anciens leaders des rébellions Touaregs dans le nord du Mali. Notamment Ibrahim Agbanga, qui est mort très vite dans un accident de voiture dès son retour au Mali, mais il avait ramené avec lui 70 pick-up, des véhicules armés, etc. Et qui étaient en plus des combattants aguerris. Mais eux, les Touaregs, veulent depuis longtemps un territoire, hein, puisqu'ils sont à la fois sur le Mali, le Niger, le sud de l'Algérie, le nord de la Mauritanie également, ils veulent un territoire. Est-ce que leur motivation, elle est territoriale ou est-ce qu'elle est djihadiste ou un peu les deux? Est-ce que c'est seulement des alliés de circonstances finalement? Ce sont des alliés de circonstances. La rébellion historique, c'est une rébellion avant tout territoriale. C'est le rêve d'un Azawad indépendant. L'Azawad, c'est le nord du Mali tel que l'appellent les régionalistes. Et quand ils reviennent, c'est leur principal objectif. C'est on est assez fort cette fois pour conquérir le nord du Mali. Et c'est là qu'ils font un peu un pacte avec le diable, parce que dans la région grenouille depuis quelques années les hommes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI absolument, qui ont multiplié les enlèvements d'occidentaux dans la région, qui ont réussi à amasser une petite fortune grâce à ces enlèvements, et ils vont faire un pacte pour prendre une à une les villes du nord du Mali. Et alors il y a un acteur qui est un peu entre les deux, c'est Iyad Agrali, qui lui est à la tête d'une autre organisation qui s'appelle Ansardine. Qui est, Iyad Agrali, c'est un noble Ifora, c'est-à-dire qu'il fait partie d'une lignée noble des Touaregs. Et donc il a un vrai poids, il est très respecté dans la communauté Touareg. Il a d'ailleurs prétendu au titre de Amenokal, qui est le titre de chef suprême des Touaregs dans la région de Kidal. Il n'a pas été choisi, mais il est très respecté, il a un poids dans la communauté. Il va créer son mouvement, qui lui est entre les deux, je disais, parce que lui, il est d'inspiration salafiste. Ansardine est d'abord un mouvement malien, mais aussi d'inspiration salafiste. Parce que le passé du personnage fait ça, il a connu une dérive salafiste, il a été consul notamment à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il s'est radicalisé. Il revient là, il a beaucoup d'influence par son poids dans la communauté Touareg. Et lui, donc, il va faire le lien entre le... C'est une synthèse, quoi. C'est une synthèse des deux volontés. On a l'impression quand même qu'il y a un marché de dupes entre les djihadistes et les Touaregs, parce que finalement, qui commande, qui prend les décisions à Tombouctou pendant l'occupation, c'est d'abord les djihadistes, c'est pas les Touaregs. Est-ce qu'il y a un marché de dupes là, quelque part? Absolument, les Touaregs se sont un peu fait avoir dans cette histoire. Très vite, le lendemain même de la prise de Tombouctou, Iyad Agrali, donc d'Ansardine, qui lui est un Touareg malien mais de la région de Kidal, tient une réunion à l'hôtel Bouctou, à Tombouctou, où il présente à la population et aux notables de Tombouctou les gens qui vont être en charge de la ville. Ces trois personnes, c'est Abou Zaïd, Abdallah Al-Shingeti et Yahya Abou Hammam. Ce sont trois membres d'ACMI, qui étaient des chefs des Katiba. Abou Zaïd, qui est très connu en France pour avoir été un preneur d'otages et un tueur d'otages, puisqu'il a assassiné un otage français. Ce sont ces trois personnes, ce trio, que Iyad Agrali va installer pour gérer la ville. Alors, pendant l'automne 2012, la position des pays occidentaux commence à changer. Il y a un basculement. Comment expliquez-vous ce basculement ? À partir de quel moment et pourquoi les occidentaux se disent « cette situation, elle est dangereuse » ? Alors, il y a deux choses. Il y a déjà le symbole. Ça, vous l'avez bien évoqué dans l'émission avant, enfin dans le récit juste avant. D'abord, il y a le symbole. Tombouctou représente dans le nord du Mali tout ce qu'il y a d'intellectuel, tout ce qu'il y a de culturel en Afrique. Ça a été pendant longtemps. Pendant le procès, un historien a dit que c'était la Florence de l'Afrique à une époque. Mmh. Ça a été la Florence de l'Afrique. La perle du désert. La Florence de l'Afrique, on comprend ce que ça. Voilà. Et même si aujourd'hui c'est une cité déchue, hein, moi j'y suis allé plusieurs fois. Il y a plus grand chose à Tombouctou. Il reste ça et c'est très important dans l'esprit des gens. Mmh. Il reste cette fierté d'être un pôle culturel, d'être un pôle religieux, d'être un pôle philosophique qui a rayonné. En s'en prenant au mausolée, c'est ça qu'on détruit. C'est cette opposition entre un islam salafiste, qui est celui des djihadistes, qui s'oppose à cet islam de tradition maraboutique que Tombouctou représentait par excellence. Alors, moins d'un mois après le lancement de l'opération Serval, donc les Français interviennent, nous sommes le 2 février 2013, François Hollande est au Mali. On va écouter un extrait d'un reportage qui revient précisément sur cette visite du président et sur le sens de sa visite et de l'action de la France. Les rues de Bamako en liesse. La capitale malienne, dernière étape du voyage de François Hollande. Le président français est venu symboliquement place de l'indépendance pour rappeler aux Maliens les raisons de l'intervention française. Nous nous battons ici pour que le Mali vive en paix et en démocratie. Mais c'est à Tombouctou que François Hollande a débuté ce matin sa visite. Accueilli à sa descente de l'avion par un cadeau, un jeune chameau offert par la population. Je l'utiliserai autant que je pourrai comme moyen de transport. Mais... Puis, le président français entre dans la ville libérée il y a quelques jours. La population soumise pendant plus de 10 mois à la charia par les islamistes est venue acclamer le président français. Une incroyable ferveur. Tombouctou, patrimoine de l'humanité, saccagé par les islamistes. François Hollande a visité une mosquée, la bibliothèque, où des manuscrits datant de plusieurs siècles ont été détruits. Ce que nous avions fait était pour libérer et pour permettre que aussi des lieux de culte, mais également des éléments de patrimoine, parlions des manuscrits, puissent être de nouveau protégés et sauvegardés. Alors, on le voit, une intervention comme celle de la France est une intervention visant à protéger les victimes et les victimes potentielles de crimes de sang, d'exécutions, enfin d'horreur. Et puis aussi, c'est toute cette dimension patrimoniale de Tombouctou qui est importante. Et c'est bien ce que dit François Hollande, en tout cas, dans ce qu'on vient d'entendre. Alors, 3 ans plus tard, vous êtes retourné quand au Mali pour la dernière fois ? En juin, cette année. En juin. Quelle est la situation dans le pays, déjà ? Alors, Il y a deux Mali, il y a toujours eu deux Mali, et c'est d'ailleurs aussi un peu l'échec de l'État malien. Il y a un Mali du sud de Bamako pour qui le nord, très peu peuplé, très lointain, hein, c'est Kidal par exemple, c'est à 1300 km de Bamako. Oui, c'est un énorme pays, oui. Ouais. Dans ce pays-là, le nord paraît quelque chose de très lointain, les Touaregs on n'a jamais bien compris, on les trouve assez agaçants de toujours se rebeller comme ça depuis l'indépendance, mais la vie sur place, dans la capitale, a très peu changé. Il y a le Mali du Nord, par contre, Kidal, où l'armée malienne n'est toujours pas revenue. Et Tombouctou, là où j'étais, moi, en reportage avec les soldats français de l'opération Barkhane. Et alors, c'est un peu en trompe-l'œil, parce que Tombouctou, elle-même, la ville, est sécurisée. Il y a un contingent de la MINUSMA, il y a des soldats français qui patrouillent. La vie est revenue, le marché est revenu. En revanche, dès qu'on s'éloigne un peu de la ville, je suis parti 5 jours en convoi avec les militaires français dans le désert, les gens ne sont pas revenus. Il y a des villages, il y a des carrefours qui étaient importants avant, avec des populations ou nomades ou sédentaires qui avaient un lopin de terre à cultiver. Et là, les gens sont pas revenus. Et ça, c'est bien le signe que les choses sont pas apaisées. Mmh. Alors, il faut se méfier. Il n'y a pas que les djihadistes. Le Sahel, c'est une zone de tous les trafics, de tous les combats. Il y a des trafiquants de drogue qui empruntent ces routes-là. Il y a les revendications des groupes armés qui sont pas forcément djihadistes, qui savent que à l'issue des négociations et de l'accord de paix, il y aura des postes à attraper. Donc il y a plein d'enjeux qui se mêlent là. Mais autour de Tombouctou, en tout cas, on n'est pas encore dans une situation apaisée. Mais que reste-t-il de l'influence ou de la force des djihadistes de la pire espèce, ceux dont on vient de raconter les exactions? Alors, il reste plus grand-chose, parce que l'opération Serval a vraiment écrasé, et là c'est pas à la gloire de l'armée française c'est pas pour faire l'apologie de l'armée française, c'est un constat. Dans toutes les villes, les gens ont fui, les djihadistes ont fui, les combattants. Ils sont réfugiés dans la Drar des Iforas, qui était plus adapté au combat pour eux, parce que c'est une zone montagneuse, des grottes, très difficile à prendre. Les combats ont été très durs. Mais l'armée française les a également délogés d'ici. Et du coup, la menace a changé de nature. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des campements comme après 2011-2012, comme avant 2012, avec des cinquantaines de combattants, des katibas, des rassemblements de pick-up, etc. La menace a changé de nature, le comportement des djihadistes a changé de nature, et ils s'adaptent très vite. C'est-à-dire que maintenant, ils sont éparpillés, on peut les retrouver... dans les capitales, par groupe de deux ou trois. On peut les retrouver dans les pays voisins. Il y en a beaucoup qui sont remontés vers la Libye, parce qu'actuellement, la Libye est propice à la circulation, puisque l'État s'est complètement effondré. Ils sont remontés vers les monts tunisiens également. Et leurs attaques aussi ont changé de nature. Là, en 2015, il y a eu l'attaque de Bamako, l'hôtel Radisson. Il y a eu l'attaque de Grand Bassam en 2016. Il y a eu une attaque à Ouagadougou. Ils sont un peu inspirés de ce que font les autres groupes djihadistes ailleurs dans le monde. On a eu depuis l'État islamique qui est passé par là, et ils vont faire eux aussi des attaques à la Kalachnikov, etc. Ils ne dirigent plus rien, mais ils continuent leurs actions terroristes, on va dire classiques, quoi. En gros, c'est ça. Absolument. Et ça, c'est dur pour une armée. L'armée sait combattre des troupes, mais c'est quelque chose de très différent d'avoir une mission antiterroriste qui demanderait aussi une action de la police, une action du renseignement, une action de la justice. Et là, les Français sont beaucoup plus démunis. On a 3500 soldats répartis sur 5 pays, parce que Barkhane, c'est ça, c'est un territoire qui est grand comme l'Europe. 3500 soldats, ça peut paraître dérisoire. Alors même si on a des moyens de surveillance... ça reste très très difficile de passer à l'étape suivante. Parmi les anciens leaders et chefs qui ont contrôlé Tombouctou, certains ont été arrêtés. On y reviendra d'ailleurs, puisqu'il y a le cas de celui qui a été jugé aujourd'hui même. Mais les autres ont été tués. Oui, alors il y a Abou Zeid, dont je parlais tout à l'heure, qui lui avait enlevé plusieurs otages français, qui lui a été tué juste après la reconquête. Il était avec ses hommes retranchés dans la Drar des Iforas, et il a été tué très certainement par les Français. Il y a également Abdullah Al-Shingeti, qui était un de ses lieutenants, qui a été tué dans les mêmes circonstances, à peu près au même moment. En revanche, il y a deux figures très importantes qui sont encore en vie, et non seulement en vie, mais dans la nature. Il y a Yahya Abou Hammam, qui était le responsable d'ACMI pour le Sahara, et qui, lui, a disparu dans les jours qui ont suivi la reconquête. Et puis, il y a ce fameux Iyad Agrali, dont on a commencé à parler, qui est un Touareg malien, qui nargue la France. Il a encore revendiqué, cette année, l'assassinat de trois soldats français qui sont morts en sautant sur une mine en début d'année. Et ces personnes-là, on échoue pour l'instant à les trouver. Alors, et puis il y a cet autre personnage, donc Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi, qui fut l'un des chefs de la police islamique, considéré comme l'un des responsables, sinon le responsable de la destruction des mausolées. D'ailleurs, dans l'un de vos articles, je crois que vous le surnommez l'intello des crimes de pierre, de Tombouctou. Qui est cet homme? Alors, je l'appelle l'intello parce que c'est assez rare parmi les djihadistes. Et c'est toute la singularité de ce procès, c'est que c'est pas un combattant. Cet homme, c'est un enseignant. Alors déjà, c'est un Touareg. À Tombouctou, il n'y a pas que des Touaregs, ils sont même pas majoritaires. Mais lui, c'est un Touareg qui est enseignant, qui pratique un islam rigoriste, salafiste, et qui est repéré par ACMI. Eux aussi, ils ont leur chasseur de tête, qui est repéré bien avant l'occupation. Et qui vont s'en servir pour avoir une sorte de caution locale. C'est-à-dire que quand ils vont s'installer, ils vont aller le chercher et ils vont essayer de le recruter Bah, pour, parce que eux, la plupart des dirigeants d'ACMI, ce sont des Algériens, voire des Mauritaniens. Mmh. Ils avaient besoin d'un Malien pour que le message passe mieux. Et donc, ils viennent le chercher. Ils le nomment, ils lui proposent de le nommer au tribunal islamique. Il refuse, il s'estime trop jeune. Et du coup, ils vont le nommer chef de la police de la brigade des mœurs. Et alors, celui-là est donc condamné, aujourd'hui même, par le tribunal pénal international, à 9 ans de prison pour crime de guerre, c'est-à-dire que d'avoir détruit des mausolées, des éléments considérables du patrimoine, est considéré donc comme crime de guerre. Je me demande si ce n'est pas le premier, première personne qui est condamnée pour ça, pour ces faits-là de destruction de patrimoine. Ça, c'est intéressant, hein, c'est exceptionnel ce qui a été, la décision qui a été prise. Absolument, c'est la première fois, et c'est historique, c'est la première fois qu'un accusé est condamné essentiellement pour destruction de patrimoine. Il y avait beaucoup de premières fois dans ce procès. Non seulement c'était la première fois que l'accusé répondait de crime de pierre, donc de destruction de patrimoine, mais c'est aussi la première fois qu'on avait un accusé devant la CPI qui plaidait coupable. Exactement. Alors je vous coupe là, c'est très bien, parce que on va l'entendre précisément. Donc c'était le 22 août dernier, ce jour-là s'est ouvert le procès d'Ahmad Afaki Al-Mahdi, et on va écouter l'une de ses déclarations où effectivement il plaide coupable. Sayyidat al-Rais, as-sayyidat wa as-sad. Innani fi hadha al-maqam. Mesdames et messieurs, la cour. C'est avec un profond regret et une grande douleur que je plaide coupable. Toutes les accusations portées contre moi sont exactes et correctes. Je suis vraiment désolé et plein de remords. Je regrette tous les dommages que j'ai infligés à la communauté de Tombouctou, à ma famille et à mon pays, le Mali. Bon, c'est absolument saisissant ce qu'on entend là. Ouais, dans la psychologie djihadiste, c'est assez rare qu'on entende un tel remords qui est exprimé. Bon, il faut savoir qu'il y avait eu un accord avec l'accusation entre Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi et l'accusation. Il s'engageait à coopérer et donc à plaider coupable. En échange, l'accusation, l'avocat général, requérait entre 9 ans et 11 ans de prison. C'est ce qui s'est passé et il a eu la peine, la fourchette basse, on va dire, avec ses 9 ans de prison. Et est-ce qu'on peut penser qu'un jour, les responsables des destructions à Palmyre et à Mossoul en 2015, en Afghanistan, bien sûr, en 2001, soient un jour également jugés? Est-ce que vous pensez que ça a pu ouvrir une brèche? Bien sûr, ça fait penser à ça. On se rend compte que les djihadistes peuvent aussi être attaqués pénalement sur ce volet-là. Et ouais, ça, vous l'avez dit, ça ouvre une brèche. Et je pense que en Syrie, par exemple, on peut aller se diriger vers de tels procès à l'avenir. Il me reste à vous remercier, Célian Massé, de vos éclairages et aussi de votre témoignage. Vous retournez bientôt au Mali, reportage prévu. Ça sera fait, c'est sûr. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la prise à Tombouctou par les djihadistes, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous vous proposerons le deuxième volet de notre récit sur le génocide perpétré par les Khmers Rouges au Cambodge. À suivre sur France Inter, bien sûr, la récré de Vincent Josse.